tous les trois moun sa yo pral gen un an depuis que yo te tombé nan occasion manifestation ki t'a fait pour te aller fort dimanche nan. Yo te tombé 26 avril 1986. Kou ni a 26 avril 1987 pral fè un an, nou rencontre avec yo pour yo parler nou un peu de moun sa yo ki te chè a yo même petit yo frè yo pour yo di nou ki sa moun sa yo te ye, sa yo te représente nan vie yo et ki sa yo pense kou ni a un an après moun sa yo disparaître et ki démarche a fè. Mais il y a ce l'hiver où c'est maman Jackson Wo. Oui. Est-ce qu'on a expliqué qui est Jackson te ye? Bien. Jackson c'est un moun, un jeune qui va jamais gagner compte avec personne. Tout le monde apprécie, il apprécie tout le monde. Grand comme petit, il respecte tout le monde. Quel âge tu as? 26 ans. Qui donc, il dit à sa maman, je suis tellement en possession, chez moi, je suis passé très bien, fois dimanche, parce que je suis annoncé pour aller avec moi, ce jour-là, il dit non, je ne vais pas aller. Il est tellement bien passé, il dit à sa que il va prendre messe, sacré cœur avec mon yo. En retourné, il y a des mounions pour te fleurs, tout le bagage. Il est entré là quand moi il changer garde souli, il dit mais pas une fois dimanche parce que c'est première fois qu'elle une fois dimanche. Les garçons aller, il va chambre retourner. Mais là où tu viens dit petit garçon ça a été mort. Moi même moi pas chambre te connais si petit là te mort, me comprendre c'est dans gaz qu'il te prend. Mais qui joue de comme ça même là? Même jour, il était avec mon ami, c'est ça avec un paquet de monde. Mais là où elle mort, il pas jambe te veut venir dire ça. Après on dit on même dire ça aujourd'hui pas dire ça demain faut qu'on connaît quand même faut nous dire ça et puis on vient dire ça au téléphone il était tiré radio dans main il porte radio à bon moi avec portefeuille il dit moi hélas Jackson l'hôpital mais pas mourir non il prend en gaz il pas mourir l'arrivé l'hôpital là il couché dans parmi moi il prend balle en tête ça te porte moi pile parce que moi ouais petit son petit garçon moi il remet moi il tout en chéri de moi même il fait ma pile promesse combien petit tu gagne moi gagne trois petits garçons c'est mais, premier ou bien dans petit sac Moria c'est pas premier petit non troisième petit moi il te connaît des moi dans toute bagaille là il vient là dit qu'on sorti grand monde soit gagné un petit garçon là pour qui propre petit garçon travaille l'occupé il est malade oui il travaille dans Nouvelle-Lys il te connaît des mon petit c'est lui même qui te connaît des petites là les malades c'est lui même qui te connaît des qu'on y a les contrats voir mettre un chai dans machine quel qu'on soit habillé l'aide ou qui ça t'a fait dans Nouvelle-Lys là il te qu'on a tapé dans Nouvelle-Lys là elle est qu'il est petit garçon alpha dimanche pas jamais tourner mais son bagage t'a parlé depuis longtemps dans fort dimanche possession a fait tout parcours l'a prêté fort dimanche mais yo te connais yo pas t'a accepté pour le rester fort dimanche yo te de bail ça en radio yo pas la baisse qui était toute petite mon aller c'est là pour mourir ou bien là tu venu fort dimanche là yo te doit dire pas avancer ou bien tu une bail au gaz te bail un bagage quelconque yo pas qui raison pour te détruire la vie petite bonne pour mettre mon en tristesse des petits garçons fin malade là mourir tout en malade oui mais il y a tout à l'heure souvle nous pour tourner sur ça comme moi l'autre monde avec moi là tout qui dans même cas avec vous oui. On va parler avec Vernelia Vernel lui-même qui c'est maman Wilson Auguste élève l'école Jean Price Master qui était dans seconde Vernelia est-ce qu'on peut parler de Wilson qui est cité oui mon cavalo de Wilson qui classe l'idée même moi moi dit j'ai avec petit là on tout monde dit pas chambre qu'on sorti l'elle aller lui dit comme ça maman mal la ville lui tout monde dit qu'on lui dit lui ouais il dit on s'est dernier comme j'aime pas qu'on fort dimanche m'ta bien fort dimanche et tout là elle là elle regarder lui prend mais ça dans radio lui dit oh mais ça son bagage pour me participer là lui tout fait trois lettres lui il met des rad sous lui là dans messe là mais qui la Wilson de gain Wilson gain 18 ans la faire reto l'école Boismas et puis tout l'aime vini m'saute van m'saute la ville moi dit comme ça oh côté Wilson là pas moi j'ai Wilson là côté Wilson puis grand puis dit a répondu dit maman m't'a vinn d'où ça oui depuis matin li sorti là la messe là tellement loin messe là intéressant là aller là dani m'pou juste qu'on y am ba m'dit mais petite moi soit va tourner connait li mouri. Mais qui ont avait un sentiment qu'elle mourir. Eh ben c'est un petit monde qui pas faire cabondage. Il pas chambre sorti. Puis ta pour entrer la caille, c'est l'école là la gaille 8h, c'est les Alvini. Après ça pas sorti du tout du tout. Et puis dit ça son petit qui chère de moi-même. Depuis petit la mourir. Pas petit tout du tout du tout. Tellement petit la gâte. Sous elle ouais, pas qu'on vienne sort la ville. C'est pour dire comme ça oh, ça t'a fait ma commet. Mais qui commet tout à fait? toile même t'a vendre. Il dit comme ça, oh ma comme après pour Covid, on connaît depuis m'pa homme gain problème. Et pour venir bien vite, oui, et tout l'elle venir pour le prendre, il laver même rad sous moi. Petite la laver pour moi. Dès que des fois m'venir un rad qui l'autre moi laver, c'est lui laver moi. Bon m'pa connait rien dans cas. Mais depuis petite la fin mourir, am fini net. C'est plus grand petit tout? Oui, depuis la fin mourir, am. Combien petit tout gain? Gain 3 petites mais depuis la mourir on dirait moi. Tout ça dans ma tête moi si me pas gain l'autre de yo on ta font grand cause mais depuis la fin mourir me gain droit d'eau moi nil pas été là rien tout et puis là son petit bit capricien il pas eu ni grand monde ni petit monde tout monde c'est lui même tout grand monde ses amis tout petit monde ses amis pas jamais en compte avec personne il t'a apprendre bien l'école j'en dis non parce que t'as fait retour à 18 ans beaucoup ni là depuis l'école là vin ti moun même classe avec le bal descendre baccalauréat me senti m'ba mon dit tout et puis dit là bien important les mon gros jeune garçon dans l'arrière bon malade net parce son gros gros petit garçon lié depuis moi un gros nèg dans l'arrière bon me dit regarde petit moi et tout monde cap dit mettre bala dans tête bon on a un gros paquet bala lever son moi tout comme m'ba bon même son seul ça me connaît et nous si vous pas d'accord pour marche ça te fait, vous avez le droit arrêter marche là. Celle ça moi connais moi même moi senti, moi mandé pour me joindre justice petite moi. Parce que me pas de vagabond. Si mon grand petit a 18 ans, m'a payé en l'école $30 pour asmas. Mais l'autre même bon pas faire à l'autre encore. L'autre va voir l'école? Ah, m'a mettre l'école comme ça même pas faire encore, m'a pas rien non même encore. Petit là, gien doit on va aller dire moi ça, oh, go madame, avoir petit. Pas de papi, je vais régler le problème. C'est deux ans seulement pour me finir l'école, pour me régler le problème. Et je vais garder mon monde manger petit moyen. Même si je vais demander justice, pour me faire justice, pour faire enquête, pour mener le monde qui a tué mon monde, pour me faire justice. Avec ça, c'est pour dédommager mon tout. Parce que petit moyen, je ne connais pas si je vais être un avocat d'avis, je ne connais pas si c'est un docteur d'avis, parce que. Il était décidé pour faire toute bagaille. Année ça d'avoir dans baccalauréat. Petit moi pas. Oui. Parce que moi petit moi toujours intéressé pour la l'école. Puis bon si vous pas gagner manger là dit maman oh. Moi aller l'école moi sans manger. Moi aller ben finir l'école là. OK Venelia, qu'on va parler avec Natania Mikes. Lien c'est sœur Wilson Mikes lié. Natania, est-ce qu'on peut parler nous de frère Wilson? Qui est-ce mon ité? Frère là, son bon petit frère m'gain. Et de petit frère? Mon petit frère. Qui l'a j'ai gagné? 16 ans. Petit frère depuis mon mouri qui était lié depuis l'a gagné 2 ans. Il était l'école? Il était l'école. Qui classe il t'a fait? Il a fait 6e. Qui bon? Non. Qui bon il fait? Moïse Vertu. Depuis mon mari qui était là 2 ans, c'est moi-même avec mon grand frère qui a fait effort avec lui. Oui, au doc, l'a levé comme ça, il dit comme ça, il prend la marche, il prend la marche. OK, il m'a dit tout mon corps pour aller pour aller pour la marche. Moi-même prend valise moi aller marcher. Moi-même prend valise moi aller marcher. L'aime vis dans marché m'mandé côté Wilson. Tout le monde dit hein. Il y a un match à 20 minutes. Après, moi, qui était comme ça, je de Paul, match là, ça a gagné un match. Je dis, monsieur, ça a gagné un match, c'est moi, mais j'ai mal, je ne sais pas. Et puis, le cousin m'a venu, le cousin m'a dit, tu sais, Wilson mourit, oui, il me dit, oh, Wilson mourit. Je me saisis. C'est même Juventus Avril, là, même Juventus Avril, là, je me compte ça. L'aime saisir a trouvé courir monter mal dans fort dimanche. L'aime rivé fort dimanche, moi pas joindre. Yo dégotant levé li, yo metté l'hôpital général. L'aime l'hôpital général, moi j'ai couché à terre sous dos. L'hôpital général, il prend 2 balles en cuisse. 2 balles dans cuisse qui tue là? Oui. Balle la traversé dans partie li. Écrasé partie. Et monsieur mouri? Il mouri. Ou pas quoi, c'est manque de soins qui fait mourir ou bien? Non, non. Il mourit immédiatement? Immédiatement, il mourit. Wilson, il mourit sous les champs, il prend un balle. Il a senti dans la tête, il prend un balle. Là, dans la tête, Wilson prend un balle là. Dans la tête, il mourit? Oui. Bon, Kounia, bon, naturellement, ça fait un an, 26 avril, ça fait un an, depuis que Mounsayo a quitté nous. Kounia, m'darime, mais il y a, m'a recommencé avant encore, sous ta dîme, qui j'en wap vivre depuis un an, ça, depuis que petit toi, Jackson, disparaît. Eh bien, moi-même, chaque jour, je me lève, qui donc, qui forme nous, m'a capable de résister, c'est parce que m'dante dans la Sainte Famille. Chaque jour, je viens prier avec moi, je conforte. Moi, toujours à l'église, même toujours à crier. Ouais, toujours à crier. Parce que regardez la caille, moi, les mois, la fin de mon guiton, petit. Tipit là, tu gagnes 8 mois, le témoin qu'on y a, tipit là, gagne 1 an, 2 mois. Qui donc, chaque fois, mon a parlé de lui-même, moi, senti m'ba vivre. Parce que, son, depuis mon financé, mon timon en vato, ou gagne habitué avec elle. Pour grand nom, timon, pour timon, a vu arriver, gagne 26 ans. D'âge, c'est pas si l'été ou l'été avec les courailles, maladie dans main, diarrhée, ou qu'on est là, tu es un petit pour balette, pour bal soin, pour mettre l'école, tout bagaille, pour tout le monde arrivé, il y a 26 ans, c'est pas si bataille ou bataille avec elle. Et ou habitué avec petit tout, et petit tout pas jamais de respecter ou, m'boko jamais jeune un petit monde qui vient pour t'emprunter toujours du message à son fèle, qui dirait dit pour grand monde. Si garçon à la province, il veut jouer mon sacré, il freine la sacré à tous les démons. Il veut mon branché bois, il dit, ou prête manchette là, il démanche tout le monde, ça, oh, allons petit monde, gardons j'ai un élément qui sort dans la capitale là, gardez gens, il très relax. Tout côté là, c'est peut-être ça, les Jackson, t'es mouillé dernier mon en province, t'es fait combien de jours pour un cabane? Puis on dit, on s'agarde des gens, ils ont même perdu la ville, cri. Ça, t'es garçon, t'as cherché dans le bagage comme ça. Mais t'es garçon, t'es ton bagage, bon Dieu, qui t'a fait. Les pas t'es garçon, pas d'aller dans la bataille avec moi, les pas de couteau dans la main, les pas de poignard, les pas de zam, c'est pas de l'été de la l'été, c'est Dieu son bagage qui t'a fait, bagage bon Dieu, mon bagage qui t'a tout le monde qui t'a participé là-dedans pour zami, pour petit, mais. Si garçon te connaît, c'était bataille, t'as pas le bataille, c'était une équipe de chouquet, t'as pas le faire, c'était caïmoni, t'as pas le casser, c'était voler, t'as pas le voler. Si garçon pas ta jamais, parce que son petit monde qui pas jamais dans balai monde. C'est parce qu'elle était son bagage qui était tellement très simple, qui donc il t'a allé. Mais des petits garçons fait mourir, qui donc ne veut pas rien. Ou parle avec moi, des parfois m'entendez, que des parfois tout m'entendez. Que des parfois quand je me très bon. Elle dit que ton gros vide dans la vie. La fille me tout gros mal tête tout le temps. Saisissement parce que son petit peut venir dire maman Jackson mouri oui puis depuis là il finit dire ça mais tatad m'pa konnen rien mais quoi moi pas de gens qui était pour camper pour moi dans la moli c'est moi qui était pour faire des marches bon j'étais m'am courage pour me faire des marches pour me capable enterrer mais depuis me fin enterrer petit garçon moi senti moi pas normalement c'est lui même qui était connait dans caille moi si me était malade c'est lui même qui était connait bon quoi mal caille docteur coulier là moi gien l'autre petit mais yo pas soucié de moi même yon et yo pas travail. C'est lui-même seul qui doit travailler. C'est lui-même seul. Là, je finis mon petit, je suis quitté. Tout le bagaille, maman finit par dire dans le plan. Petite la malade. Et sous contrôle vigné. C'est là qu'elle est liée. C'est moi pour aller manger. C'est moi pour aller tout le bagaille. Et je ne peux pas travailler. Je suis écrit des lettres. Je suis écrit ministre de la justice. Je suis écrit ministre de la justice. Ministre qui l'a connu? Oui. Je suis de justice. Et qui ça dit pour nous? Non, il y a beaucoup dit rien non. Il y a beaucoup dit rien. Vous faites écrire lettre là? Oui, moi fais écrire lettre là. Et qui m'a écrit chef la meyo, monde qui était responsable bagaille ça yo, moi besoin connait qui est qui était responsable yo. Qui monde qui était bail l'ordre pour yo te faire manifestation pour te arriver abouti fort dimanche. Qui est qui était responsable, qui responsable qui était bail pour yo tuer moun yo, pour yo tirer à qui est-ce qui est responsable bagay sa yo? Moi m'a des justice pour petit moi hein, m'pa capable perdre tout monde comme ça. Si t'es dans bataille. Demain ça c'est faire pour compte. Oui, moi même qui faire pour compte moi. Beaucoup ni Vernelia ou même un an après que Wilson fin disparaître là, qui ont senti ou? Nous senti m'pa bon non. Parce que petit là dans ensemble avec moi, c'est temps en temps m'a regarder côté m'a pour lui. Aujourd'hui même moi dit comme ça que dare men wè figil. Moun yo di m konsa, "Ok, pawol sa w ap di a." Tan san tan, an di mwen se pitit la de maman, an batan, depi pitit la pa la, m santi m ba bon. Nan ka la di tout. Ki yon toujou et ap tan ni? M toujou ap tan ni. Lè mal l'eglise, au lieu m priye pou lòt yo, m di bon Dieu, kembe la vi Wilson pou mwen. Se lè m di, "Oh, pourquoi pitit la mou?" Apre pitit la fin mouri a, mal Saint-Gérard m pèdi. C'est tout le temps malade. En tête, bon là du là c'est quand le docteur me s'est obligé mal. Docteur a presque mon remède qui vend $8. m'explique qui ça me dégaine tout en tête me fait mal tout en la j'ai la fièvre bitou m'rend ça m'en bouche moi tout en on dirait senti petite là pas moule et même si me fait une 10 petite comme ça encore m'pas jeune une petite catache de moi même comme ça et moi mon yo rete comme ça yo dépayé ma petite là m'pas connait moi mandé pour me jeune justice parce que mon yo pas si que yo pas gagne l'ordre pour match là t'est fait il pas t'a fait c'est parce que yo t'ai gagne l'ordre qui pour match là fait parce que ba la même gagne même 2 semaines dans radio il y a pébillé des grands matchs qui a privé pour dimanche comme année passée nous t'ai fait un chemin quoi aller pour dimanche nous t'ai bien passé nous t'ai toujours comprendre la bien passé mais si mon yo t'ai pas d'accord yo t'a pas nique mettre un barraille yo t'a dit mon pas entrer mais tout monde pas t'a pas entrer mais on foule comme ça yo pas besoin faire boîte fait sur yo tuer petit monde ou mettre dans la peine moi même comme moi même moi marcher dans la prière si me pas aller dans la prière t'as quand t'as allé déjà. Et catholique, oui. Oui. Mais qui s'est changé dans la vie? Où dit vous t'êtes en bas, mais depuis un an là. Bah, quand rien change. Est-ce qu'on continue à faire commerce? Non. Bah, faire rien encore? Bah, faire rien encore. Même si je suis dans le même kounia là, mettez là. C'est pour m'abchercher. Bah, on est distrait? Oui. Bah, faire commerce encore. Bah, faire ça. Bah, faire. Et où même, Nathania? Et puis, moi-même. Chaque fois que je pense avec Frem, je me domine de lui-même. Parce que parfois, il connaît mon service. Je suis plus grand, il connaît mon service. Il connaît mon service. Il a besoin de faire. Je ne sais pas. Je me change. Donc, je vais penser si que t'a mouru, il t'a levé, il t'a allé dans le match. Match fort dimanche. Parce que je connais son bagage tout le monde. Depuis 2 semaines, il y a une radio. Au dog gon match qu'a fait la pouvait fort dimanche même pas penser c'était match tout au macout lité ou pas moi pas gè bagaille zam pas gè bagaille wash son match tout le monde doit aller en match al comme la fois dernière et parents et l'autre monde qui était mouri a fait match là si on était qu'on était gè moun t'a mouri ou t'a régime tout au macout t'a tiré sur yo moun n'a pas ta aller pas ta faire match là. Mais oh donc mettez-vous des lettres bah mettez-vous on les bah ministre la justice là pour mettre justice et ça nous demande qui démarche nous fait ces démarches gren séparé nous fait ou bien non de battre ensemble nous fait ou même on fait démarche tête ensemble avec l'autre parent là l'autre parent pour me joindre justice pour me nous dédommagement des frères non parce que nous redit trop pour lui mais est-ce que on organise qui travaille ensemble avec vous un groupe de monde qui a travaillé ensemble avec nous ou bien c'est nous trois qui mettons tête nous ensemble. C'est nous trois qui mettons tête nous ensemble pour nous faire des marches nous. Nous pas qu'un organisme qui défend droit monde qui travaille avec nous. Oui, nous gain. Oui, nous. C'est qui est organisé ça? Est-ce que c'est Ligue haïtienne et prisonniers anciens prisonniers politiques? Oui, oui, oui. C'est bien qui travaille avec nous. Oui. Donc nous toutes nous écrit lettre déjà vous et bail ministre. Oui. Oui. Ou même tout mais il y a. Donc nous mettez nous rencontrer souvent. Oui. Oui, nous avons rencontré souvent. Beaucoup n'a qui espoir nous gagne. Mais espoir nous gagne là. C'est espoir justice là n'attend pour à nous justice pour nous demander justice. Mais qui ça justice là pour vous? Justice là pour moi même pour mon pour bagarre ça pas fait encore dans pays encore. Bagarre fait des tuer mon effort ça pas gagne pas gagne goumé pas gagne. Pour te coller, racher tête, pas de bagaille ça. On est pour ta bagaille ça. Faut que son bagaille pour ta guerre, c'est un match. Bah ouais, rien pour ta faire, pour ta tirer, pour ta arriver mourir, pour l'autre, tu as perdu petit chou. Oui, mais il y a, ou même, qui ça qui t'a justice pour justice qui t'a gagné pour moi, c'est pour bagaille ça, tu as fini dans le pays d'Haïti, tirer mon, pour gagner si, sans mon pas bataille, sans pas gagner contre avec aucun monde. Son pas gen zam nan men on pas gen couteau pas gen ponya si que m'a batay avec un monde moi gen zam nan men monde gen zam mon connaît des mon a batay c'est une pour victime mais si m'camper des même balance comme ça m'a gen aucun zam pas gen rien nan men m'pa bon mak monde qui raison pour mon tirer sur moi et moun yo kap tuer moun yo sensible pour parent yo sensible pour petit yo pa t'avle piquant pique et pour qui ça y a détruit la vie l'autre parce que là ou détruit la vie moun comme ça yo mette moun yo fait moun gon coquine maladie parce que là ou tu es une famille c'est tout colonne race là yo tuer yo pas penser ça imbécile ça les pour tuer au monde c'est tout famille net ou détruit la ville. Parce que parfois, l'autre tué une famille, c'est lui qui te connaît de toute famille ou détruit la ville. Qui donc tué toute colonne famille. Moun yo pa mette moun sauté à son tour, yo pa gen droit détruire la vie moun comme ça. Et ou même Venelia, qui ça pour ta justice pour? Eh ben justice ta pour moi là. Comme moi connais que pour ça fini net pour yo pa perdre tuer petit moun pour mettre dans la peine. Ti moun yo pa gen zam nan men yo, yo pa gen argen nan men yo, seulement yo connaît son parole bon Dieu qui a parlé, y aller, mais yo pa do tuer ti moun yo pa do tuer moun yo innocent comme ça. Et moi mandé pour ministre de la justice là. Pour le banou justice. Et le fini tout, et demain si Dieu veut, moi pas connais qui sa petite moyen dans tap sorti. Et c'est toute famille en touye, parce que si ou gagne un potrai petite comme ça, ou fin passer misère avec lui, pour le river là et ça, demain si Dieu veut, il t'a responsable famille. Il t'a responsable famille. Et moi mandé pour me joindre justice, pour donner ma j'aime pour sa petite moi t'a fait pour moi demain. Oui. Beaucoup n'y a qui espoir nous gagne. Mais espoir nous gagne n'a pas tant justice. Est-ce que qu'on y a ou gagne l'autre petite si ta deux pral non match ou quitter aller? Non, pas quitter aller non. Et ou même Venelia? Non. Et ou même Natalia? Non, non. Parce que me connaît c'est ça qui t'est passé première fois. C'est lui pour le faire encore et mais c'est bagarre ça nous t'a défendre pour pas faire ça encore pour touyer petite monde. Enfin touyer monde nous fait proposer question. C'est pas qu'embel ou gaou. Glau, c'est comme si c'est tonton Makout qui était là toujours. Jean-Claude Dalle, il était quitté tout tonton Makout pour le dévorer petit monde toujours. Pour n'a c'est mettre dit c'est Jean-Claude qui mettait dans problème ça. C'est chef qui mettait dans problème ça parce que petit moi qu'on y a la petite moi t'a ensemble avec en mois de janvier là, il t'a pas dans baccalauréat. S'il t'a passé, m'ta content, moi t'a fait fête qu'on y a c'est glauque dans yem. Donc espoir non c'est justice n'attend. Nous mander arrestation tout pour monde qui t'est tué petit moi. Mais est-ce que nous arrivons à identifier les gens? Non. Pour vous mener enquête? Oui, vous mener enquête. Pour vous mener enquête? Vous faut connaître quand même qui est. Parce que c'est un monde, parce que c'est voyoté, vous avez fait pause de votre dimanche, vous faut connaître qui est-ce qui est. Tu es mon nom. Vous connaissez plus bien passé moi-même. Vous connaissez plus bien passé moi-même. C'est tout parler, vous parlez, ni à faire matissant, ni à faire dimanche là, ni à faire kafoua. Vous prenez des plombs, vous mettez dans les oreilles, et pas marcher. Attendez. Un an, 26 avril, on va faire un an, pas jamais je ne t'en ai rien. C'est pas comme moun qui mourir, c'est chien, c'est pas moun. Ok, et bien c'est sous moi ça l'a prêté. Merci beaucoup, mesdames. Gary des Enclos, c'est un compatriote qui vit en Belgique. Et monsieur, c'est membre bureau exécutif comité haïtien droit de l'homme en Belgique. Monsieur tout quand en pilote compatriote, il était là 26 avril 86 dans manifestation que t'as faite en hommage et en souvenir de tout monde qui était tombé en babal du Valier en avril 63, 26 avril 63 et principalement nous songer c'était la famille Benoît, la famille Edeline. Eh bien, monsieur lui-même, il était vive événement. Nous t'avons demandé, monsieur, lui-même qui était dans le premier rang, dans le full moon, qui t'a pas avancé sur Fort Dimanche, qui t'a pas assisté, qui j'en li ou bien yo t'es passé? Oui. Je crois que mon premier bagage pour me préciser, c'est que nous t'es ici dans le cadre de mission que le comité haïtien des droits de l'homme Belgique t'es ben moi pour nous faire le point sur la situation des droits de l'homme après le départ du Valier. Donc c'est dans le cadre de ça, je suis participé à la manifestation qui était partie Sacré-Cœur pour le fort dimanche là. Pour des raisons dont ennui, je suis gagné avec machine qui me suis gagné, je prends les devants sur la manifestation qui fait que je suis arrivé parmi les premiers fort dimanche. Avant que Benoît et Edeline viennent pour calmer une série de monde qui était là, qui a déjà un peu animé la manifestation. Je ne vais pas entrer dans le détail vie politique ici, je ne vais pas entrer dans le détail subjectif. Ça me l'a dit, c'est des faits, je ne vais pas ici. C'est des choses que et seul bagaille que j'ai dit par rapport à ça, c'est que je me retourne sur lui tout à l'heure au niveau de l'organisation manifestation, mais je vais signaler peut-être 3-4 faits. Le premier fait que je vais signaler, hein, c'est que à un certain moment, j'étais exactement dans le bon code là, entre foule là et militaire. Donc, nous avons une position côté militaire et foule là. En certain moment, un haut gradé dans militaire yo qui dit deux trois gendarmes, deux trois militaires. Mon cher Rajé qui sous bord gauche là là, nèg yo ka passé, al poste nous là. C'est Rajé qui sous bord gauche sentier et qui rejoint barricade fort dimanche là. Toi monsieur yo un peu maladroitement mettez koyo là. Mais gradé un monsieur dit nèg yo si gen provocation vous répondez aux provocations. Bon, ça font premier bail qui alerté moi. Parce que m'pa konn moun yo pa gen arme défensive, c'est-à-dire genre la gaz lacrymogène, lors d'y répondre aux provocations, lors gon fusil en main, m'pa konn ça veut dire. C'est le premier bail qui alerté moi. Deuxième bail qui alerté moi, c'était que moi que seul moun qui te gon gun en fusil imposant que m'ka qualifié d'un fusil de son lance-grenade lacrymogène, c'était au gradé ça. Deuxième fait qui étonnait moi, c'est que c'est vrai qu'à un certain moment, foule en relais commençait à chanter, Gonadia à l'assaut, tout le monde. Benoît, sous camionnette là, il essaie deux fois de calmer foule là. Et deuxième fois qu'elle essaie de calmer foule là, en certain moment, foule là était vite plus calme que précédemment. Et c'est à ce moment-là, pour des faits, jusqu'à présent, incompréhensible pour moi, militaires ont reculé. Ça m'a paru assez étonnant comme méthode. Militaires ont reculé. Dès lors que militaires ont reculé, foule là passant bas code là. C'est-à-dire, militaire était né à né avec foule là à partir d'un moment, et puis sans aucune cause que vous même êtes capable de sans aucune explication, ou est que vous faites bac. Vous faites bac, parce que quand vous êtes campé, si foule là a fait pression sur militaire, vous avez crasé main. Puis vous êtes entre militaire et foule là, vous êtes ras code là. De toute façon, un gros montage que vous faites. Qui montrait qui position que dans le film moins faire. Oui parce que on était avec une caméra non. On était avec une caméra là même tout. Ça gagne les moun yo commencé tirer caméra t'est venu tomber en panne mais en tout cas face m'a expliqué là là gagne le sous film. Donc m'a pas ba menti puisque on gagne droit ouais que moi directement entre militaire yo et foule là et me dit ça par boutade si militaire yo t'est demandé ou moun foule la cigarette là l'état gagne droit allumer le bali. Ils sont même jamais moi moun yo aussi près comme ça son grand petit code comme ça qui séparé yo. Et puis ma prévenue sous bah qui était pas étonnant c'est recul forcé sans réellement pas de bon pression maximum de foule là les moun yo reculé moi ouais tout reporter international yo lagué un peu derrière alors confirme mon expérience pour ça me suivi yo parce que me dit mauvaise position moi je dois prendre un sandwich et qui fait c'est de position ça me vinn gon vu côté moi ouais c'était un camion qui était là l'autre reporter monté en dans ben camion même moi de camp en bas. Et puis c'est de position ça hein, que me dégon vision militaire yo t'es sous gauche moi et foule là t'es en face moi devant m'. Et c'est sincèrement pas gain succès d'année en chanter Gonadia la soir écoute feu. En d'autres termes, c'est pas immédiatement après que moun yo fin chanter Gonadia la soir que militaire commencé tirer t'es gon un temps passé. T'es gon temps passé entre l'air yo t'es excité au paroxysme pour chanter Gonadia la soir concours télévision nationale t'es montré là. Et phase côté coup de feu à fait, t'es sincèrement. Oui, un coup de feu que en pile monde trouvait assez bizarre. Gen thèse que t'es avancé après, on dit c'est dans foule la sortie. Gen de monde qui dit autant d'elle de préférence du côté de militaire ou même qui t'es en position capable dit de choix parce qu'au sens c'était entre militaire et foule là. D'après ou impression par où? Qui côté coup de feu a sorti? Impression pas moi, me fait expliquer que m'étais reculé bon sous camion. Donc l'embre mouvement de recul là, m'bat entre militaire et foule là encore, au contraire, me dégon position d'observation côté me ouais, et militaire yo sur ma gauche et foule là légèrement toujours sur ma gauche mais un peu plus devant. Sous la configuration fort dimanche là, ça s'explique très bien. Donc me dégon position de vision. Seul bagage me doit dire c'est à l'oreille évidemment dans des coups de feu. Et coup de feu en sorti de mon extrême gauche. Donc pas de gain foule dans l'extrême gauche main coup de feu sorti la fumée suivi et monde qui de bonne foi gain doit regarder image télévision haïtien ou après entre image fumée qui sort la foule là et coup de feu en vent image là donc ça veut dire que coup de feu bien pas sorti dans foule là le sorti de militaire ça veut dire on analyse sous les scientifiques de image là t'es capable assez utile. Même quoi, sincèrement, m'pa wè pour qui ça veut pas faire, je suppose que l'enquêteur a fait, m'pa vle mettre personne en doute. Je suis ici que pour donner les faits. Moi, dit que très sincèrement, et coup de feu, hein, l'été semblé, m'obligé à faire une petite parenthèse pour me dire que j'étais jeune étudiant en mai 68, gaz lacrymogène à Petit Gars à Paris. coup de feu te semblait une grenade lacrymogène qui sautait, qui explosait. Et je crois qu'il y a l'autre monde qui a confirmation, je me rencontre après la mission maintenant, qui était dans la foule et que la grenade là pétait bon pied. Donc, ce qui prouve que si des gens dans la foule là, qui lance grenade comme ça, t'as dit que c'est foule là qui tire, ça se serait vu. Vraiment. Donc, je ne voulais pas accuser personne d'avoir voulu quoi que ce soit. Je ne fais pas d'analyse, je laisse ça aux gens qui sont ici. Je me dis, seul bagage, les faits se sont passés tels que je les ai vus et je vous les raconte avec mon honnêteté. Et je crois, j'espère que mon a quoi ça va me dire. Là. Bon, au juste, ou t'es dans la phase côté ou dit coup de feu au parti, mais finalement, moun qui tombe, moun qui t'es blessé ou bien moun qui mourit, ça pas passé sous yo. Si, ça passait sous yeux, moi. C'est-à-dire que le premier réflexe que j'ai gagné, je crois était un réflexe malheureux qui était qu'à bon tracas, c'est que je n'ai pas pensé un seul instant, je n'ai tiré comment ça fait, que les gens ont tiré sur le monde. Je comprends que c'est balle blanche qui a tiré en l'air. Et c'est le moins que le monde à tomber. Il y a une même qui prend une balle en bas gauche, son balle de plein fouet. Donc, je ne suis pas attendu à mort, il t'a privé comme ça, parce que il prend directement. S'il est en courir, il t'a pris le pas d'elle, il prend en bagage. Donc, ce qui veut dire que ces images, je les ai vues directement. J'ai été parmi les premiers, d'ailleurs, que Malouenneg qui était ventréen, que monsieur était dit non-li à ce moment-là, que m'oublie non-li, parce que pas de personne qui a supporté monsieur Sekou. Malé bon côté, monsieur dit, pas oublié dit que m'relais un tel. Et je l'ai vu éventré. Vous comprenez? Donc, tout monsieur Sayon Mouayo, d'ailleurs, me prend en photo. À ce moment-là, qui attitude que non seulement moun nan foule la te gen, mais également militaire face à moun qui était tombé. Qui attitude côté bon, remarque ça gen, moi remarqué que là, je dois saluer bravo Benoît, c'est qu'à un certain moment, comme organisateur, il a gardé son sang-froid. C'est monsieur peut-être qui sauvait une ou deux moun qui était prêt en fil électrique là, parce que monsieur a bravement pris une chaise pour le râler certains moun. Par contre, je dois signaler au fait que je me trouvais, parce que travail, moi, c'est mission droit de l'homme, je me trouvais complètement aller à l'encontre de toute principe de droit de l'homme. À un certain moment, foule là, une série de monde qui était dans la foule là, essayer de sauver un jeune homme. J'ai essayé de poter lui. De mes yeux, j'ai vu deux à trois militaires pointer fusil et dire laguer la tête. C'est-à-dire, ça veut dire que, ou pas prêter assistance, en plus que bah, la tête fin faite, même si c'est une bavure. Là où est que mon abscès est souvent l'autre qui dans une situation comme ça, on dit la guerre la tête, donc se condamne l'autre là pour mourir là. Et on la guerre la tête, effectivement. Il y a la guerre la tête parce que monsieur pointé fusil, mon yo t'a remonté sentier, presque arrivé sur asphalte là. Et puis, il y a une photo avec ça tout. Sur asphalte là, et puis monsieur pointé fusil, quand même, il dit la guerre. Donc, mon yo obligé la guerre la tête. Mais on pas ton simple observateur, si vous voulez. Comment on interprète incident ça? L'aime du interpréter dans le sens de organisation, dans le sens de réaction autorité militaire, qui analyse qu'on fait de incident lui-même. Écoutez, mon bon point de vue, fois ça m'a subjectif, c'est son point de vue personnel, m'a bail. Considérer que dans toute manifestation, un fourgon service d'ordre de organisateur manifestation. Deuxièmement, dans toute manifestation, où gain des brigades anti-émeutes. Et même moi, ouais, le visu, c'est qu'une demi-heure après, camion Léopard arrivait avec masse à gaz. Donc, c'est que l'équipement, ça va exister. Donc, lors des connais, depuis avant, que vous parlez de manifestation comme ça, qu'en plus de ça, vous avez vu les gens ouais, devant pour ça que tu as passé. Ou t'es côté, t'es un monde qui était un peu plus excité que d'autres. Bah, qui est plus démocratique là, c'était qu'on mette une police anti-émeute avec bâton, avec gaz lacrymogène, bah, comme ça, pour disperser ça que t'es excité. Bah, ouais. Adéquation qui gagne entre le fait qu'on foule qu'après les qui excité par rapport à un fort qui est symbolique extraordinaire dans l'histoire d'Haïti, côté moun mouri, c'est tout à fait normal qu'Haïtien excité par ça. Et que, effectivement, la méthode la plus adéquate, c'était côté la gaz lacrymogène. Et à la limite, si vous n'avez pas de gaz lacrymogène, vous êtes tiré en l'air, mais pas sur une foule désarmée. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup de gens qui jouent une balle là, soi-disant qu'ils ont tiré de foule là, si c'était foule là que tu es tiré. Deuxièmement, si on foule à tirer. Je suppose qu'il n'est pas tiré en l'air, c'est pas oiseau qui le dirait. Donc, il faut que militaire blessé. Donc, jusqu'à présent, tout porte à croire que ça m'a dit, hein, beaucoup plus crédible que ça veut dire jusqu'à présent. Alors, autre chose que m'a dit par rapport à l'équipe d'Ordza, me dit, en outre cette organisation qui est à cap contenu foulant, comment est-il possible qu'on vienne mettre un code qui est presque à 100 mètres d'entrée fort dimanche là? Puisque le code là, on doit mettre en repli, puis on fait mon reculer soit là, donc tout sentier, hein, acceptable au pouvoir de l'organisateur. Donc, je crois là aussi, il y a une faille dans l'organisation à ce niveau-là. Et je crois que, en toute honnêteté, il faut que les gens qui ont organisé ça, ils ont honnêteté, reconnaître les tout. Pour ne pas faute là toujours, peuple là. Où c'est membre comité haïtien droits de l'homme en Belgique, du point de vue principe droits humains, qui gens ou comprennent réaction force de police à ce point de vue là? Écoutez, je suis pas méchant avec force de police, je crois que mon problème qui fait partie du travail ici, c'est que moi constater que c'est vrai que un effort énorme qui pour faire au niveau de l'éducation et de la formation pour mon ici qu'on est sacré les droits de l'homme. Non, ça crée le respect. Parce que l'homme commence à respecter au monde, c'est respect par au respect petit tout qu'on garantit. Donc, on croit que là, beaucoup plus qu'accuser un monde ou l'autre, un corps social dans le pays, on dit qu'il faut nous voir que qu'on manque de formation au niveau des droits de l'homme. Et je me rappelle une anecdote qui est arrivée, mais pas plus tard que hier, et que je trouvais assez important et qui a caractérisé ça, hein, c'est que nos missions qu'on y a, m'ont obligé à faire un montage sur les droits de l'homme. Je vais le présenter un montage là, en Europe, pour me dire Europe, mes situations à Haïti après un an de départ de Jean-Claude. Donc, je viens ici avec bonne volonté pour me rencontrer une série de personnages politiques, une série de personnes qui ont parlé des droits de l'homme. Jusqu'à présent, j'étais bien reçu. Hier, mon personnage politique, candidat à la présidence, très connu, qui refusait de recevoir, lui-même refusait l'être député européen, bon, moi, pour introduire Michel Mnan, il refusait de recevoir. Donc, ça posait mon question fondamentale. Ça déchirait comme une tristesse profonde pour Nègla, pas pour moi-même, pour Nègla et pour peuple. Parce que je me dis, pour Nègla, candidat à la présidence, ou déjà, arrivé au stade que même pas les droits de l'homme, répondre à une question, 4-5 questions, je me préparé pour répondre, nous, qu'on pas même accepté tant d'aimer. Je me dis que là, tout, je me dis avec beaucoup de modestie, m'a concouru peut-être tout à ce que ça capable devenir une réalité. Faut nous former peuple haïtien, c'est pour ça que ça me salue tout effort n'a fait bon ici, tout comité ici qui créé pour sensibiliser peuple haïtien, pour former à ça les droits de l'homme. Son façon pour vous pour dire que ou attendre à ce que on travail de formation qui fait non seulement au niveau force armée mais au niveau de toute l'autre de toute population, composante société. Toute l'autre population, parce que Mbal Djomba a quitté Heurtim tout à l'année dernière. L'emfin saute la manifestation, on a des amis ici, qui des amis qui très éclairés, qui des timons qui fait des études, qui ont certaines vues quand même, une bonne analyse sur la situation politique dans le pays ici. Et puis me parle de ça moins. Et puis on dit, ah mon choix, pas qu'à parler comme ça, pas vivre ici. Le bagaille a passé parce que tu as une série de groupes de monde qui tape viré bagaille là en vinaigre et que l'armée c'est Wally pour défendre. On dit mais l'armée. En d'autres termes, tu es d'accord pour l'armée tirer sur moi. Il est presque d'accord, son bagaille qui t'attristé moi, il était presque d'accord, il a pas dit lui exactement mais il dit faut comprendre que l'armée hein, pris au piège, comprendre les gens fort pour le défendre, les tirer mais on armée monsieur mon pays, il fait pour défendre contre l'ennemi, peuple là pas capable ennemi pays lui. Ou pas capable tirer et encore je dis s'il y avait une attaque d'armes sur l'armée, me dit légitime défense, on doit comprendre encore. Mais il y a d'autres moyens pour faire reculer un peuple qui, finalement, au niveau de ses revendications, était dans le droit de réclamer ce qu'il réclamait à ce moment-là. Gary Desenclos, est-ce qu'il y a un dernier bagage que vous avez ajouté? Oui, un dernier bagage que vous avez ajouté, en ce sens que vous avez que tout le monde capte des mieux qu'on y ait, hein, comprendre que droit de l'homme, non, c'est vrai que son apprentissage pour nous a commencé à faire dans le pays Haïti. Et que nous-mêmes qui dehors, hein, qui étaient toujours haïtiens, qui étaient toujours au courant tout le temps ça qui a passé ici, nous voulions marquer une volonté de collaboration avec le comité qui était ici en Haïti pour dire que nous dehors, nous avons veillé actif, nous avons veillé tout, et que nous avons fait tout ça qui est possible là, pour voir nous, que ce soit en contact politique ou en contact avec le Parlement européen, pour faire en sorte que toute aide nous capote, ben, nous avons bataillé ici pour le droit de l'homme, non, et bien nous avons capoté. Ok, merci.